je vais t'acheter des bagues et des tas de bijoux. Des trucs en toque et des topaz, des perles et des cailloux. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Tu auras des toilettes, des dessus, des dessous. Quatre jaguars, une bicyclette avec la pompe et les deux roues. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Comme c'est pas tous les jours à l'année nouvelle, les rois, les pas cool, à Noël, on se fera la fête quand on voudra. Et je t'y donnerai en guise d'étrenne le seul cadeau auquel je tienne, un cadeau qui ne vient de papa, c'est moi. Je vais t'acheter des roses, des soucis, des coucous, des cerisiers blancs, des pommiers roses et quelques pieds de gueule de loup. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Je te garde un chien de ma chienne et son collier à clous, et une collection très ancienne de petits baisers dans le cou. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Comme c'est pas tous les jours l'année nouvelle, les rois, les pas cool, à Noël, on se fera la fête quand on voudra. Et je t'y donnerai en guise d'étrenne le seul cadeau auquel je tienne, un cadeau qui ne vient de papa, c'est moi. Je vais t'acheter des plages, des paquebots, des igloos, des visons sauvages, des lions en cage et le petit Larousse des mots doux. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Tu auras mes souvenirs de gosse, mes rêves les plus fous, tous les châteaux, tous les carrosses qu'on a quand on n'a pas un sou. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Comme c'est pas tous les jours l'année nouvelle, les rois, les pas cool, à Noël, on se fera la fête quand on voudra. Et je t'y donnerai en guise d'étrenne le seul cadeau auquel je tienne, un cadeau qui ne vient de papa, c'est moi.